$50 d'économie pour pouvoir acheter ce que je mange. Explique la mécanique de conscientisation du processus de prise en charge de la santé de tous les corps. Bon, j'explique le processus de prise en charge ou le processus de conscientisation. Parce que tout ça ensemble, ça va être un peu long à expliquer. Et aussi très long à comprendre. Processus de conscientisation de prise en charge des corps, il faut premièrement conscientiser qu'il y a des corps. C'est le début. Parce que pour la majorité des individus sur la planète, ils sont une et unique chose. Alors, ils sont colériques, ils ont peur, ils ont faim, ils s'ennuient, ils ont peur de la mort, ils sont joyeux, ils ont mal, ils sont fatigués, ils manquent d'énergie, ils ont une idée. C'est des corps différents. Alors, mon corps a faim, mon corps vital est fatigué, manque d'énergie, bon, OK, ça va. Mon ego a peur. Ma structure astrale est affamée d'affection. Il y a une idée dans mon mental. Et quand la personne est en contact supramental, elle ne parle plus d'idée, elle parle, elle donne les choses directement sans jamais nécessairement dire le mot « je », le mot « moi ». Elle n'a pas besoin de ce genre de possessif. Alors, la première chose, c'est de conscientiser qu'on a des corps. Et quand je parle d'en conscientiser, ça veut dire minimum conscientiser et appliquer la conscientisation qu'on a des corps. Quand vous allez manger, qu'est-ce que vous nourrissez? Votre corps astral, votre ego, qui va avoir des cochonneries, ou votre corps physique, qui demande certaines choses? Alors, si on nourrit le corps physique, eh bien, c'est très facile de contrôler. Si on sait qu'à un moment donné, on doit aussi nourrir l'ego, eh bien, la mécanique est différente, mais on le sait pendant qu'on le fait, puis on ne s'en sert pas comme raison, on sait qu'on fait correctement. Alors, la mécanique de conscientisation du processus de prise en charge des différents corps commence par le fait qu'on conscientise qu'on a des corps. Quand l'humain conscientise suffisamment qu'il a différents corps, l'humain doit progressivement développer le savoir qui est relatif à ces différents corps. L'humain doit donc avoir progressivement dans sa conscience la capacité de philosophiser réellement en quatre dimensions. Progressivement, il devra le faire en 5, 6 et 7 et 8 dimensions jusqu'à temps qu'il arrive au summum, au maximum. qui est de 11 à 13 dimensions, dépendamment de ce qu'on entend par dimension. La prise en charge des corps, ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura des mécaniques qui vont faire en sorte de gérer uniquement le corps physique, et le corps astral n'aura plus la capacité de venir se mêler au corps physique. Présentement, eh bien, quand le corps astral a peur, eh bien, il sécrète des hormones qui font accélérer le cœur, qui font transpirer, etc. Le corps physique est toujours assujetti au corps vital et au corps astral, mais le corps astral est assujetti un petit peu au corps mental. Originalement, c'est le corps mental qui est assujetti au corps astral, ce qui fait que le processus lui-même, ils l'ont expliqué, il commence par le fait de prendre conscience qu'on a différents corps et par le fait qu'on doit commencer à vivre comme si on avait différents corps. Donc, pas seulement le dire en philosophie, mais en pratique. Oui, c'est ça. Alors, paf, une claque en plein visage, là, puis où tu as mal? Je peux répondre, j'ai trois corps qui ont mal. Mon corps astral, mon ego, il a reçu une claque en plein milieu de l'ego, mon corps vital, puis mon corps physique. Mais la personne, par exemple, en tout cas, il y a tellement de phrases dans le vocabulaire conventionnel qui unit et qui fusionne totalement tous les corps ensemble parce que l'humain n'a pas su. Enfin, à l'origine, l'humain n'avait pas suffisamment de conscience pour séparer les corps. On apprend, mais je parle au niveau de la conscience pour séparer les corps. Alors, votre corps est fatigué, allez le coucher. Ah oui, mais si je veux le coucher, je vais me coucher avec. Mais c'est ça, mais va te coucher. C'est bien simple. Mais c'est ce qui arrive. Le corps est fatigué, la personne a vu écouter le film, le corps est fatigué, la personne a vu écouter le film, l'ego veut écouter le film, mais elle n'enverra pas son corps se coucher. Parce qu'elle ne pourra pas écouter le film. Moi, quand j'étais jeune, j'envoyais mon corps se coucher pareil. Après ça, je sortais en astral, puis j'allais voir le film. Et faites comme ça. Au moins, il fallait coucher le corps. Sorti à cachette. Ben oui. Ah, ma mère ne voulait pas que j'écoute la télévision. J'avais pas besoin de sa télévision. Il y avait en masse de télévision partout autour. Comment reprogrammer l'ADN? Si c'est scientifiquement, ça va être trop long à expliquer. Les chercheurs sont à peine à cartographier le code génétique. Au niveau énergétique, vous n'avez rien à faire. C'est comme la digestion. Comment on fait pour bien digérer? Occupez-vous-en pas. Et ne pas s'occuper de sa digestion, ça veut dire ne pas être inquiet, ne pas être nerveux. Pourquoi? Parce que là, par les processus astrales, on sécrète un paquet de choses dans le système digestif, donc on s'occupe de la digestion. Pour reprogrammer l'ADN, il y a plusieurs choses. Quand on s'en mêle, on s'en mêle. Ouais, attends bien sûr, quand on s'en mêle, on s'en mêle. C'est exact. Reprogrammer l'ADN, il faut... Il y a un laboratoire. Il faut un laboratoire. Le laboratoire peut être un laboratoire matériel scientifique, ça peut être aussi le corps physique. C'est un très bon laboratoire pour reprogrammer l'ADN. Le laboratoire doit être en ordre. Donc, le corps physique doit être en ordre. Le laboratoire doit être propre. En ordre physiquement, ça veut dire qu'il doit être suffisamment capable de... Il doit avoir suffisamment de substances à l'intérieur de lui, de par son alimentation, pour être capable de fournir les matériaux nécessaires aux transmutations. Il doit être en ordre du point de vue vital, ça veut dire qu'il doit avoir une belle énergie là-dedans. Et donc une énergie yannick et yinique convenable, ça veut dire que la personne mange des choses qui sont vivantes, et puis elle ramasse de l'énergie tellurique ou solaire en quantité suffisante. Le corps astral doit être en ordre, ça veut dire que la personne doit être joyeuse, peut être heureuse. Si la personne n'est pas joyeuse, le corps astral n'est pas en ordre. La personne doit être sevrée affectivement, ou elle doit être capable de se nourrir affectivement. C'est la nourriture du corps astral. Il y en a qui vont se nourrir affectivement par la masturbation, par exemple. Sauf que tu prends de l'énergie d'une place, ça transfuse ailleurs. Donc, il va manquer, à un moment donné, au niveau du corps vital, parce que tu nourris ton corps astral. Il y en a qui vont le faire au niveau des relations sexuelles, c'est un petit peu moins pire du point de vue de l'énergie, mais ça crée d'autres problèmes du point de vue des mécaniques karmiques. Il y en a qui vont nourrir leur corps astral par l'affection en mangeant. Mais là encore, là, c'est pas correct. On attaque le corps physique. Alors, on doit nourrir le corps astral au niveau de l'affection, par exemple, en étant capable de se laisser aimer, en étant capable d'aimer, mais d'un amour intelligent, donc de l'amour de l'être nouveau, un amour qui n'est pas conditionnel. On doit être capable de s'aimer. Quand on est capable de s'aimer, on est sevré. C'est-à-dire qu'on ne dépend plus de la nourriture astrale des nôtres, on est capable d'être en synergie avec soi-même. Le corps mental doit être en ordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps mental doit être désassujetti des mécaniques astrales. Ça veut dire que le corps mental, cette faculté de légiférer, d'être logique, la faculté de voir les choses d'une façon relativement logique, ne doit pas être colorée par les impressions de l'astral. Autrement dit, vous ne devez pas, par exemple, vous avez des émotions, mais ces émotions-là ne doivent pas perturber votre façon de raisonner. Et là, comme ça, on a le laboratoire qu'il faut pour commencer la reprogrammation du code génétique. Fait que déjà là, il y a un bout de chemin à faire. Par la suite, l'individu, ben, tout ce qu'il a à faire, l'individu, c'est d'intelligencer les choses, donc d'appliquer de l'intelligence. Et puis ça va se reprogrammer tout seul. Il va muter. On peut intervenir pédagogiquement. Chez les enfants, par exemple, on peut intervenir directement par chirurgie astrale. Donc, on fait un voyage astral dans leur âme. Et on les amène avec nous, et puis on rentre dans l'âme, on voit l'ego, on voit les choses, et puis là, on peut placoter, on voit les horreurs, les torpeurs, les ennuis, pas quelque chose. Et puis là, on peut travailler à éliminer ces choses-là. Et par la suite, ce qui reste dans l'ego de l'enfant, ça va être une mécanique qui accepte plus facilement le neuf, c'est-à-dire que les mécaniques d'adultes, disons adultères, qui viennent violer carrément la conscience relativement capable de supporter le neuf de l'enfant, c'est lentement détruit. Alors ça, c'est une mécanique qui, au niveau d'une chirurgie astrale, va permettre à l'enfant de poursuivre sa cellularisation, donc la mutation du code génétique. Puis évidemment, pour les presser, là, cette explosion nucléaire à côté de vous autres, là, ça va vous muter sur un code génétique. Quoi faire pour œuvrer à vos côtés? Il faut simplement être dans le bon temps. Il faut premièrement que ce soit ça que vous ayez à faire, parce que c'est pas nécessairement ça. Il faut qu'il y ait un trou qui s'établisse pour vous recevoir. Il faut que vous soyez suffisamment capable de me supporter, c'est-à-dire que vous ne devez pas être, par exemple, des têteux ou des têteuses d'énergie. Ça veut dire que vous devez être capable d'être suffisamment vous-même pour ne pas succomber à ma présence. Et les personnes qui travaillent à mes côtés sont présentement uniquement et exclusivement des personnes qui ont fait le séminaire. Parce que ces personnes-là ont un vocabulaire beaucoup plus élaboré. Ces personnes-là aussi ont su me connaître d'une autre façon. Et par la suite, il y a le temps que ça leur prend, soit en conférence spéciale ou d'autres choses. Les personnes finissent à un moment donné par différentes stratégies. Il y en a que ça leur prend 2 semaines et puis subitement, ils sont invités chez moi à travailler ensemble. On joue au tennis ensemble. Il y en a d'autres, ça leur prend 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il n'y a pas un chemin particulier, c'est-à-dire qu'il y a un chemin particulier, la vitesse de déplacement dépend des individus. Donc, les séminaristes peuvent faire partie du groupe Genesis, par exemple, qui est un groupe, Genesis, ça veut dire Genèse en latin, c'est un groupe qui permet la création de nouvelles choses et qui permet des contacts. Alors, ils peuvent faire partie de structures de compagnie, ils peuvent, etc. Bon, mais ça dépend simplement des individus. Mais présentement, je m'entoure exclusivement de séminaristes parce que ça, jusqu'à date, c'est ce qui m'a permis de régler le plus de problèmes, de sauver des problèmes. Parce que la personne que je rencontre qui n'a pas fait le séminaire, bien, à un moment donné, on jase avec elle, on veut faire des choses, puis là, elle ne comprend pas pourquoi. Puis là, il faut qu'on commence à faire un séminaire et qu'elle comprenne pourquoi. Puis bon, bref, j'ai autant qu'elle fasse un séminaire. Alors. Je sauve du temps. Elle aussi. Les autres séminaires, ils se font après. Oui, mais là, c'est plus la même chose. C'est des séminaires d'amis, c'est pas pareil, c'est pas des séminaires. Comment réagir face à quelqu'un qui veut nous imposer sa volonté, qui veut nous dicter notre comportement? On réagit pas, on agit. Laissez-vous pas faire. C'est très simple. La personne, ce qu'elle veut dire, c'est comment faire en sorte pour parvenir à ne pas se laisser faire. Faites pas ce qu'elle dit. Soyez vous-même. Oui, mais elle va argumenter. Ben oui, laissez-la argumenter. Déconnectez-vous. Oh, je pourrais donner des stratégies psychologiques là, qui sont extrêmement plaisantes, qui prennent bien du temps à élaborer, mais soyez votre seul maître. La personne qui vous dit, tu vas aller arroser le gazon, là. Ça ne vous tente pas. C'est pas à vous de le faire. Parce que c'est pas le temps. C'est pas vous autres. C'est pas votre gazon. Puis moi, il n'y a pas. C'est son idée, le gazon. Non, vous ne le faites pas. Et puis qu'est-ce que vous faites? Ben, vous dites oui, j'y vais. Bon, vous continuez à faire vos affaires. Ben, t'as dit tu y allais. Oui, mais je ne veux pas y aller. Les arguments, puis on y va, puis on protège, puis on contourne, puis on essaie de te manipuler. Puis tout ce que tu as à faire, c'est de prouver à l'autre qu'il ne pleura jamais si c'est ce qu'on a à faire. Vous dites, oui, je vais y aller, je vais tout de suite. Je suis en train de le faire. Là. Je suis en train de le faire. Il va se choquer, il va s'insulter, il va s'insurger. Puis, à un moment donné, il faut vous garder votre calme, par exemple, parce que tout, c'est de l'aïkido psychologique. C'est-à-dire que vous ramassez son énergie, là, vous faites 3-4 petites loupes avec, là, puis vous relancez en pleine face. C'est son énergie à lui, c'est son karma. Vous ne le ramassez pas parce que si c'est votre énergie que vous y retournez, là, il va vous la remettre. C'est comme un boxeur. Hein? Il veut boxer, puis c'est vos points qui sont en plein visage, il n'aimera pas ça. C'est ses points, il va finir par arrêter. Alors, c'est un peu comme ça. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, on reste bien calme, aussi calme qu'on peut rester calme. Si vous n'êtes pas calme, c'est manqué. Attendez à la prochaine tempête. Et puis, à un moment donné, quand il y en a ras-le-bol de voir que vous le niaisez, là, vous lui dites, non, je te niaise pas. Au début, je t'ai dit que je voulais pas. Ça fait 1h30 que tu, etc. Ben écoute, je veux toujours pas plus. Fait que je t'ai dit que je voulais, pensant que t'es pour te taire, mais je veux pas, puis j'irai pas. Puis là, il va recommencer les arguments, ben pour continuer à dire, t'as raison, c'est exact. Oui, c'est vrai, je devrais y aller, t'as raison, parfait. Là, vous descendez, prendre votre douche. En gros scolaire, puis etc. Ben oui, mais c'est ça, c'est la personne ne peut pas vous savoir. Pensez simple, puis vous allez voir que la vie est facile. On n'a pas besoin d'argumenter. La meilleure façon d'avoir la paix chez quelqu'un, c'est de ne jamais lui parler. Hein? Tout le monde sait ça. Tout ce que vous dites peut être tenu contre vous. C'est la structure même chez l'humain. Alors, tout ce que la personne elle, a à faire, c'est de dire le minimum. Puis ne vous excusez jamais Non, ne vous justifiez jamais, surtout. Parce que ça sert à rien. Vous n'aurez jamais raison sur quelqu'un qui veut vous manipuler. Si vous avez à le faire, profitez de l'occasion de l'autre. Écoutez-le. C'est peut-être l'énergie qu'il vous faut pour vous faire bouger. Si vous n'avez rien à faire avec ce qui vous compte là, puis c'est un charieux ou une charieuse, vous n'avez rien à voir. Vous justifiez pas, puis vous vous en balancez. Moi, j'ai rencontré plusieurs personnes comme ça dans ma vie, qui savaient tout, puis qu'il fallait que je fasse ci, puis qu'il fallait que je fasse ça, puis oui, donc. Des personnes qu'il fallait que je fasse leurs affaires, parce que je suis le petit nouveau dans la bebelle. Ben, j'ai fait leurs affaires. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais rendu, c'est moi maintenant qu'il fallait qu'ils délèguent mes affaires. Je ne l'ai pas fait. Parce que c'était con. Et j'ai compris. Après ça, quand on a voulu me déléguer des bebelles qu'il fallait pas que je fasse, ils ont parlé, ils ont chiolé, ils m'ont détesté, ils m'ont haï, ils ont parlé contre moi. Ils sont ligués contre moi. Là, ils sont probablement en train de travailler un autre. Moi, ça m'a jamais vu, puis là, je suis plus là, puis de toute façon, je ne serais pas resté non plus, puis la vie est belle. C'est tellement plus simple. Voyager avec quelqu'un en automobile, la personne vous dit « Ah, me semble, c'est à gauche, ils se prennent. » Vous connaissez le chemin, puis, vous avez vu la carte. « C'est à gauche, ok, à gauche, continuez. » Si vous dites « Non, dis-moi pas comment, dis-moi pas, il y avait 25 chemins pour y aller, je prends mon chemin. » « Ah, ça a été bien vite de prendre celui-là, ça a été plus vite. » Exact, exact. Là, on va vous détester à mourir. Vous dites « Non, déteste-moi pas, je prends mon chemin. » Respirez par le nez. Et, « Je prends mon chemin. » C'est simple, je te l'ai dit au départ, parce que tu le sais. « Ah, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. » Pas de problème. La meilleure chose, le meilleur gadget, achetez-vous-en un, c'est un dictaphone. Ça, il n'y a rien de mieux. « Non, non, non, non, non, non, non, non, clic. » Là, va se taire tout de suite. Je fais là, je t'enregistre. Pourquoi? Ça va servir plus tard. Fait que là, vous le laissez allumer. Là, vous vous traitez de con, mais pas fort, le dictaphone allumé. La meilleure chose, les humains sont pas des épais. Ils se font charrier, ils sont manipulés. Vous avez un dictaphone, le négo veut pas se rendre compte que vous avez raison, caché le trop. Ça règle bien les problèmes, ça. Puis ça continue, en tout cas, au moins, vous aurez une preuve. C'est une preuve pour vous aussi, parce que si vous commencez à argumenter aussi con que l'autre, vous l'avez enregistré. Okay? Alors, un petit dictaphone, là, pas cher, c'est chez Télévision Chat. Vous allez là, puis vous achetez un petit radio, puis un petit dictaphone. Très, très, très bon. Pour le reste, argumentez pas. Embarquez pas dans le jeu des autres. Là, ça les frustre, puis à un moment donné, ben, ça leur revient sur eux autres. Ils peuvent même pas vous haïr. Ils vont vous haïr parce qu'ils peuvent pas vous haïr. C'est typiquement africain comme stratégie. Le Zahir, tu connais? Mais ça fonctionne. Vivez en paix! Pas grave ce que les autres pensent de vous! Savez-vous combien de personnes qui vous détestent, qui vous trouvent laid, gros, puis maigre? Combien il y en a? Vous êtes mal habillé, la moustache pas placée à la bonne place, puis etc. Combien il y en a, vous pensez? Les seins trop bas, les seins trop longs, les seins trop courts. Il y en a du monde pour vous détester en masse. Alors, perdre notre temps à essayer de reformer le cerveau de l'autre pour qu'il nous voit comme il faut, là. Tu sais, il nous pense pas correct, on est correct. Bon. Il y a une personne qui me disait, ouais, mais moi, mon chum va finir par le perdre si. Ben, tu le perdras ton chum, pas ton chum, ça. Avec un chum de même, t'as pas besoin d'avoir d'ennemis. Il va changer ou il va passer. Investissez sur vous. Pas sur l'autre. C'est bien mieux. Fait que c'est ça, on s'achète un petit dictaphone, là, et puis... Et il veut nous imposer sa volonté. Ben, vous lui dites que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Oui, si c'est une femme, l'appelez mère supérieure. Si c'est un homme, l'appelez père supérieur. Ça, c'est insultant. C'est correct. Comprenez bien ceci. Toutes les personnes sont fragmentées dans leur ego, sont manipulées par des particularités réincarnationnelles. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, la personne, elle vient vous voir, elle vous chiole après. C'est pas la personne avec laquelle vous voulez rester ou travailler. C'est pas la personne avec laquelle vous voulez vivre. Alors, c'est qui la personne qui vient chioler, là, qui vient vous imposer sa volonté? Pas avec laquelle vous voulez rester. Moi, je disais ça à un gars dernièrement. Je dis, toi, là, je t'ai engagé. C'est toi que j'ai engagé, pas ta famille. Je parlais de son ego. Le gars, il est même incorrect. Puis à un moment donné, une partie de l'ego, il faut qu'il ait raison sur tout le monde, même s'il est tard. Une autre partie, il faut qu'il fasse chier tout le monde. Une autre partie, il faut qu'il mette tout le monde dehors. Son ego a cette place, qu'il prend tellement de place dans le bureau, ça va s'agrandir. Puis j'ai dit, avec toi, je travaille, pas avec les autres. Mais c'est la même chose. À un moment donné, alors moi, il y a une personne pour la placer, j'ai commencé à baptiser chacune des facettes de son ego. Alors je dis, ah tiens, c'est telle personne, là. C'est avec elle que je reste. C'était son nom. À un moment donné, revenait en chiolet, là, tiens, soeur, machin, chouette. Je l'avais, bon, rien d'affaire, elle était typique. Elle avait déjà été une soeur dans le passé, fait que je l'appelais par son nom. Ah là, ça, elle n'aimait pas ça. La partie correcte, elle n'aimait pas ça. Fait que je dis, ben, écoute, tu sais. À un moment donné, elle rentre avec une autre facette de son ego, ben, ah tiens, voici, machin, chouette. Ah, ça l'insultait aussi, mais c'est ça, regarde-toi aller. Là, tu rentres dans la chambre de bain, tu sors avec un miroir, regarde. Elle veut pas, elle se pousse, là. Elle courait dans la maison, là. Viens voir! J'ai raison de viens voir! Elle veut pas. Faites ça simple. Soyez transparent, puis montrez-leur ce qu'il y en a. Dictaphone, il n'y a rien de mieux. C'est ça des... Moi, j'ai vu une farce quand j'étais jeune, c'était génial, c'était un petit dessin, là. Il y avait un bonhomme qui était debout, un vieux monsieur. Dans la chambre à coucher, il y avait plein de classeurs. Il y avait un classeur ouvert, en train de fouiller dedans. Sa femme était dans le lit. Elle disait, moi je veux pas pourquoi, à chaque fois qu'on s'abstine, il faut être purifié. Il avait classé toutes les affaires, et puis là, ah, j'ai dit ça, hop, il allait fouiller, ça de là. L'autre aimait pas ça. Parce qu'il y a plusieurs égos qui savent qu'ils ont tort quand ils s'obstinent, puis quand ils, etc. Ils veulent juste s'obstiner, ça nourrit des parties astrales, ça permet l'involution. Alors, comment réagir face à quelqu'un qui veut nous imposer sa volonté? Soyez votre seul maître, la volonté de l'autre, là, c'est bien, bien correct, son affaire. Moi, à l'école, quand j'étais jeune, là, je marchais, puis je rencontrais un grand cave qui est venu se planter en avant de moi. Le mis ta face, là, je la trouve laide. Je l'écoute parler à ma mère. Là, il commence à avancer autour de là. Fait, je me tasse, il me suivait. Autour de là, je me tassais. Autour de là! Là, je m'en allais. Autour de là! Ben, j'ai mangé une volée. Ah, c'est le début de l'initiation. J'ai mangé une volée. Mais là, à un moment donné, ben, en tout cas, je l'ai rencontré quelques fois, ce gars-là, puis... Après ça, je l'ai plus rencontré. Qu'est-ce qui est arrivé avec lui, je sais pas trop. Et ça, là, pas la peine de s'en faire. J'avais des lunettes à l'époque, pour croiser mes lunettes. Mes lunettes, mes parents m'ont donné une autre volée rase à la maison, croiser mes lunettes. C'est la vie! C'est pas un problème! On tapait mon corps physique. Moi, j'étais bien correct. Il n'y a pas un qui a réussi à me toucher. L'autre, il m'amènerait sa volonté, il m'amènerait ce qu'il voudra, moi, il me touchera jamais. Il aura beau être ce qu'il voudra, et le robot être ce qu'il voudra, il me touchera jamais. Soyez relax. Ça devait manger des coups quand, dans votre vie, hein. Ils font ça encore mal? Probablement pas. Oh, psychologiquement, etc., parce que l'humain s'attache aux mémoires du passé, et ces choses-là, mais... Toutes les fois qu'on s'en est fait, etc. Non, la volonté de l'autre personne, elle vient nous imposer sa volonté, là, ben, imposez-y pas la vôtre. Je vais vous donner un exemple particulier. À un moment donné, mes enfants, on a décidé qu'ils avaient leur linge. Parce qu'ils mettaient du linge propre, puis quand ça ne le faisait pas, eh bien, ils mettaient ça en train de gagner un châle, d'essayer un autre, bon. Alors là, on décide qu'ils vont laver leur linge à partir de la semaine prochaine. Ils n'ont jamais voulu, mais 10 puis 12 ans. Jamais voulu, c'est la guerre, la chicane, ça n'y avait rien à faire. Puis des paquets de raisons absolument idiotes, là, tu sais, ma femme, c'est toi la mère, puis on n'a pas demandé à venir au monde, nous autres, puis bon. Puis moi, je leur ai dit non, effectivement, vous n'avez pas demandé à venir au monde, mais nous autres, là, c'est pas vous autres qu'on attendait. Fait qu'on s'est fait fourrer tout. Fait que ça a réglé, bon. Puis à un moment donné, ben là, il y avait un problème. Fait qu'on était tous sur leur dos pour qu'ils lavent leur linge. Nous autres, ils étaient tous, essayaient d'être sur le dos pour qu'on lave leur linge. C'est ça, imposer sa volonté. Puis quand on a découvert qu'on ne l'avait pas du tout, ben faites comme ça. On s'est rendu compte à un moment donné, ma femme puis moi, là, qu'on n'a rien à foutre qu'ils lavent leur linge ou pas. Ce qu'on veut, c'est plus le laver. Et c'était réglé. Fait qu'on a cessé d'imposer notre volonté. Quelqu'un qui veut vous imposer sa volonté, imposez-y pas la vôtre. Tant qu'on s'obstine avec nos enfants, ils s'obstinent avec nous autres. Puis à un moment donné, ça a été, bonjour, comment ça a été à l'école, comment ça va aujourd'hui, puis on ne parle pas de le linge. Là, à un moment donné, on commençait à répliquer. Hey, notre linge, j'ai qu'à tous aller le laver. Fait que ma femme, elle demande, laves-tu mon linge, toi? Mais non, mais moi non plus. Fini. Mais on n'essayait plus de les forcer à faire quelque chose, on ne leur imposait plus rien. Mais à un moment donné, ben, ils ont fait par laver le linge, il était trop sale, il était plus à mode. Ils l'ont lavé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas imposé notre volonté pour empêcher quelqu'un de nous imposer sa volonté. On est resté avec nous-mêmes. Puis c'était leur vie, c'était leur problème. Si tu veux chialer, chiale. À un moment donné, il va cette année, il faut chialer à deux. Puis quand j'ai faut chialer à deux, c'est évident. Il y en a un va commencer, une va commencer. Sa volonté, c'est ici, puis c'est ça, tu le laisses aller, tu le laisses aller, tu le laisses aller. T'as pas sorti les vidages. Non, j'ai pas sorti les vidages. Quand tu travaillais. Tu sais que ça tente de sortir les vidages. Oui, je le sais. Faites comme un enfant, là, voilà. Vous allez finir par lâcher l'autre. Et puis, à un moment donné, ben, vous prenez un dictaphone, vous restez relax, puis vous faites votre volonté de vous-même. Mais soyez sûr que l'autre a tort. Si l'autre est un hétérodisciplinaire, c'est-à-dire que c'est lui qui vous amène la discipline qui vous manque. Même s'il y a un gros égo, là, puis même si, etc., là, puis non, s'il a raison, il a raison, hein. Que ce soit un patron, sa femme, son enfant, son mari, son voisin, n'importe qui. Si la belle-mère, le beau-père, s'il a raison, il a raison. Profitez-en. On profite à peu près jamais assez de l'aide d'autrui. Quand je dis être son seul maître, c'est pas être un égo individuel, orgueilleux, planté en dedans, qui se dit, moi, je suis meilleur que tout le monde, puis... Mais non. Je dois devenir la personne la plus importante pour moi en fonction de mon évolution, être mon seul maître de ma vie intérieure. Mais je me suis toujours servi, moi, des outils que la vie m'amenait, que ce soit un automobile, un être humain, un chat, un oiseau, n'importe quoi. Je me sers de moi comme outil. L'autre a raison, il a beau être le plus épais du monde, il a raison, ben ça donne que c'est dommage qu'il ait raison, je suis obligé d'écouter. Puis il y a une personne qui me disait dernièrement, ouais, mais moi, quand je fais ça, j'ai l'impression que je perds. J'ai l'impression que je suis tout nu. Ben, écoute, t'avais une grosse armure d'épée devant tout le monde. Là, maintenant que tu changes de monde, là, tu veux lâcher ton armure. C'est évident que tu vas être tout nu. Tu sais, mais reste pas là, décolle. Fait que quand tu changes de monde, change de monde. Fait que la personne, on perd pas. Investissez sur vous. Vous allez voir, vous perdrez pas grand-chose. T'enlèves ton armure, il faut que tu sortes du champ de bataille. Ben oui, reste pas là, c'est ça. Tiens, je suis nu. C'est évident que t'es nu. Tu rabats dans l'armure. Mais non, tu cours pas assez vite avec ton armure. Sors de l'armure, puis sac ton camp, il va pas te rattraper. Dans le bon sens. Pas de parachute. Maitria vient au Québec bientôt. Est-ce que le fait de la rencontre... Je sais pas ce qu'il y a mal en Angleterre, moi, s'ils vont parler comme ça, 3-4 mois avant. Je suis allé il y a 2 mois, je lui ai dit que tu étais pour y aller un jour. Moi, il m'attendait pas. Tu... C'est pas vrai. Non, c'est vrai, c'est pas vrai. Mais attendez. Est-ce que le fait de le rencontrer, l'approcher, comporte certains dangers? Ça dépend à quelle vitesse elle est arrivée. C'est pas marqué les dangers pour qui? Des dangers, il y en a dans l'évolution. Il y en a sur la planète des dangers. Conduire un automobile, ça comporte certains dangers. Absolument, absolument. Moi, j'ai un ballon gonflable dans mon volant. Puis mon égo, il dit toujours, des coups qui partent tout seul. Fait, tu conduis, ben, relax. Pouf! Il est manché dans la face. C'est une grosse espèce de grosse gomme ballon. Fait que là, c'est le même qui ont dit que c'était tellement sécuritaire. C'est là que t'as un accident, puis ils disent, tu vois, s'il n'y avait pas eu son ballon, c'est la mort. Ça doit être ça. Il t'éclate dans la face, tu vois plus rien, tu rentres dans les murs, puis le ballon t'a sauvé. C'est un gadget publicitaire, ça. Ouais, c'est ça. Il doit être ça. Ah, depuis qu'on fait les pare-chocs, les autos se rentrent dedans. Alors, est-ce qu'il y a des dangers? Oui, il y a des dangers. Il y a des dangers de rencontrer n'importe qui. Tu veux que Maitria ou... Hein? Il faut qu'on soit soi-même. Moi, j'ai souvent été dans le temple des Krishna sur P9. La bouffe était gratuite, mais je passais le balai après. Il ne donnait pas de volée. Hein? Il ne donnait pas de volée. Non. Mais là, on me parlait de Krishna, on me parlait d'un paquet d'affaires, on s'obstinait des fois. À l'époque, je n'avais pas encore compris. Et est-ce que c'était dangereux d'aller faire un tour dans le temple des disciples de Krishna? Oui, les Hare Krishna, puis là, ça danse à tout. Là, il y a un grand bout de temps, puis moi, j'étais trop pogné dans mon coin, puis je regardais faire, je trouvais épais, mais je danse à pas. Et surtout quand tu amènes quelqu'un avec toi, tu danses encore bien moins. Tu jases, mais tu danses pas. Et puis, est-ce que c'est dangereux d'aller là? J'en connais du monde qui ont été, qui sont devenus disciples de Krishna. C'est un danger. S'il n'a besoin, c'est pas un danger. S'il n'a pas besoin, c'est un maudit danger. Bon, j'ai invité des Mormons longtemps chez moi. Il y avait 2 jeunes Américains qui venaient ici, t'es tout perdu, c'était des Mormons. Ils venaient coloniser le Québec, enfin, mormoniser le Québec. Alors, on les a invités, on a chassé que ça, et puis on a eu bien du plaisir. Deux jeunes, deux bons gars. Est-ce que c'est dangereux? Ben oui, c'est dangereux. Alors, ils ont tout fait pour qu'on se fasse baptiser, puis il y en a un qui m'a dit qu'il y avait le grand prophète à Salt Lake City qui m'attendait, il avait rêvé à ça, etc. Bon, il m'a pas rencontré le grand prophète non plus, etc. Des dangers, il y en a. Est-ce que c'est dangereux de vivre en couple? Ben oui. Est-ce que c'est dangereux de vivre célibataire? Ben oui. Ah oui, tu peux rencontrer quelqu'un et tomber en couple. Encore, ça veut dire passer au feu, l'autre te réveillera pas, il était seul. Quand vous allez rencontrer Maitreya, si vous le rencontrez, soyez vous-même. J'ai expliqué dans une conférence qu'il n'y a pas d'humain qui est plus important qu'un autre humain. Du point de vue des hiérarchies humaines, oui. Alors, quand on rencontre le pape, on rencontre un être humain. Mettez-le tout nu, là. Mettez-vous tout nu, là, puis allez aux toilettes ensemble. Allez voir que vous ne saurez pas que c'est le pape, vous allez trouver qu'il pue. Bon. Et puis là, vous allez l'habiller au complet avec tout ce qu'il est lui-même, puis vous allez vous habiller avec vos affaires, puis là, vous le rencontrez aux toilettes, puis vous allez attendre, c'est fini. Là, vous allez trouver ça, c'est bien, bien différent. Bien, bien, bien différent. Ça, c'est des saintes merdes que ça pue. Nos égouts sont sacrés depuis qu'il est bleu. Mais ce que je veux que vous compreniez bien, c'est qu'il n'y a pas de nuance. Si Maitreya dégage suffisamment de charisme, c'est logique que votre charisme respecte le sien. Mais c'est illogique que sa conscience imbibe la vôtre. Vous devez rester dans votre conscience, centré dans votre énergie, dans votre centricité, puis aucun problème de rencontrer Maitreya. Si c'est le mal personnalisé, vous allez apprendre des choses géniales pour vous. Si c'est le bien incarné, vous allez apprendre des choses extraordinaires pour vous. Aucun problème. Mais des dangers, il y en a toujours. Ça dépend qui c'est qui se pointe là. Les premières manifestations supplémentaires en 92 s'exprimeront de quelle façon? Par les manifestations sur le Saint-Denis? Supplémentaire. C'est une pancarte. L'air est pollué. Protestons, cessons de respirer. En 92, je ne vais pas en parler immédiatement. Pourquoi? Parce qu'on va colorer trop de choses. Et puis, il y a des... je vais quand même dire des petites choses. Mais début 92 ou fin 91, on va en parler énormément. Premièrement, la majorité des personnes qui sont en conscientisation vont commencer à être supporté supramentalement par des structures planétaires beaucoup plus admises par le contexte planétaire que dans les années passées. C'est en train de se créer en 91. Ça va être de plus en plus tangible, c'est-à-dire qu'il va y avoir des structures matérielles et financières qui vont permettre la solidification des mécaniques de supramentalisation, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui, dans la conscientisation, vont être capables, à un moment donné, de se dégager du joug du manque de matière, du manque d'argent, du manque de temps. Il y aura donc des structures qui vont être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus fonctionnelles. C'est évident qu'une personne qui va vouloir en faire partie devra nécessairement être initiée pour en faire partie. Ce que je veux dire, c'est que la personne devra être capable d'exprimer de l'intelligence, pas uniquement par sa parole, mais par son comportement. Et là, cette personne-là va être capable de bénéficier des stratégies de l'homme nouveau, de la femme nouvelle ou de l'enfant nouveau. Il y aura donc ce genre de mécanique. Il y aura progressivement l'implantation de médecines nouvelles reliées à la supramentalisation, donc à la conscientisation. Et quand je parle de médecine nouvelle, je ne parle pas nécessairement de médecine naturelle. Je parle de vision neuve de la médecine, de l'approche de la cure et des pathologies. Et il va y avoir progressivement, je ne parle pas juste de 92, je parle dans les années subséquentes qui vont suivre, il y aura progressivement l'instauration de centres d'éducation pour les enfants qui font partie des génétiques de l'ère nouvelle et qui ont des parents capables de suivre la démarche de leur enfant. Parce que présentement, le gros de la problématique, c'est qu'il y a des enfants qui sont extrêmement brillants, mais on ne peut pas rien faire avec eux parce que dans pas grand temps, ils vont commencer à rectifier leurs parents. Et les égaux parentaux ne pourront pas le prendre. Alors, ça va créer des problèmes entre les enfants et les parents. Quand les parents vont être capables de comprendre que quand quelqu'un a raison, gars, fille, vieux, jeune, il a raison, ça va améliorer beaucoup les facilités, ça va améliorer les possibilités. Alors, en 92, il va y avoir surtout la descente, la terrestrification de structure matérielle qui va permettre de récupérer certaines personnes qui se conscientisent de façon à leur permettre progressivement d'établir une aristocratie intérieure, une aristocratie locale, et ça ne sera pas uniquement au Québec. Et dans les années qui vont venir, il va y avoir une extension et ça va engendrer une aristocratie planétaire. Donc, une espèce de régime, de société, qui ne sera pas secrète nécessairement, mais qui va être fermée, d'individus qui ont le temps, l'argent et l'intelligence. Et ça, c'est accessible à n'importe qui, quand la personne est prête. En 92, c'est surtout ça. C'est surtout de cette façon-là que l'intelligence supramentale va s'exprimer, par la preuve matérielle que c'est rentable de se conscientiser. Quand je vois de la stupidité, de l'inintelligence, il y a réaction, frustration, révolte vécue à l'intérieur, d'où résistance au neuf par la logique. C'est normal, parce que quand on voit la stupidité, c'est notre stupidité qu'on voit. Alors, il y a une révolte en dedans parce que l'ego ne veut pas qu'on se voit. Quand on voit l'inintelligence, c'est l'inintelligence qui nous habite que l'on voit. Il y a une révolte de l'ego contre l'inintelligence parce que l'ego était convaincu qu'il n'y en avait pas. On ne peut pas actuellement, tant que l'humain n'est pas totalement fusionné avec son double éthérique, l'humain ne peut pas voir une chose qu'il ne connaît pas par l'expérience intrinsèque, par l'expérience de son âme. Donc, si je vois la colère chez quelqu'un ou si je vois un défaut chez quelqu'un, si je fouille chez moi, je vais en trouver des traces. Et si j'ai une réaction, c'est que ce n'est pas des traces que j'ai trouvées, c'est un bloc complet. Alors, à un moment donné, je vois la stupidité chez certaines personnes et ça ne mérite pas. De ce fait, je peux facilement comprendre qu'ils ne sont pas stupides, qu'ils sont à ce niveau-là de l'expression d'intelligence, qu'ils sont manipulés, etc., puis je reste calme et serein. Mais tant que ça mérite, puis tant que je trouve ça con, puis tant que, etc., là, c'est parce que j'ai ça chez moi. Et par projection, nécessairement, je rentre en réaction. Comment faire pour ne pas rejeter le neuf devant des manipulations inécologiques? Les manipulations de l'astral font partie des structures du passé. Il n'y a pas de problème à accepter le neuf. Et quand je vous dis, moi, qu'on est manipulé, par exemple, par une chose totalement aberrante, si c'est accompli, c'est accompli. Ça vaut même pas la peine de résister puis de chialer, c'est accompli. Émancipez vos qualités. Émancipez votre intelligence. Cessez de lutter contre ce qui n'est pas correct. Progressivement, veut pas, ce qui n'est pas correct va t'étouffer. Alors, il y a des mécaniques, c'est évident qu'on trouve ça inécologique. C'est très écologique chez l'être humain qui n'a pas la conscience. Ce n'est pas écologique chez l'être humain qui a de la conscience. Une personne qui ne comprend pas, prenons l'exemple d'un jeune, il a 3 ans, 4 ans, il veut traverser la rue, on lui explique que c'est dangereux, il n'a pas la cérébralité pour comprendre, il n'a pas encore la conscience pour comprendre, il n'a pas assez de mémoire dans son âme pour mémoriser, pour apprendre. Ben, à un moment donné, une bonne petite fessée, là, quand il traverse la rue, là, il ne comprendra rien. Tout ce qu'il va savoir, c'est quand il va approcher de la rue, il va sentir les claques de ses fesses, fait qu'il va arrêter tout de suite. Il va avoir peur. Alors, il va rester en vie. C'est pas stupide. Lui, dans une structure de conscientisation, on pourrait dire, « Maudit que mes parents sont épais, tu sais, ils me donnent des claques. » Ils ne sont pas épais. C'est parce que l'enfant ne peut pas comprendre toute la stratégie pédagogique. C'est évident que quand l'enfant peut comprendre, etc., puis que les parents continuent cette stratégie-là, ça devient une démagogie pédagogique. Et ce qui arrive, c'est que la majorité des personnes qui sont dans une phase de conscientisation débutante ou moyenne, s'ils n'ont pas encore suffisamment exprimé l'intelligence au travers d'eux-mêmes, pensent qu'elles sont rendues à un niveau où on doit cesser les petites fessées. Alors là, elle parle de démagogie pédagogique, c'est-à-dire de stupidité puis de conneries. La majorité des personnes que j'ai rencontrées, moi, qui étaient extrêmement solides et qui se faisaient encore ramasser par les culottes, puis par l'oreille, puis qui trouvaient que c'était totalement idiot, ont continué à apprendre à travers l'idiotie. Alors, c'était pas idiot. C'était solide, pourtant, puis très avancé. Et ils disaient que non, ça n'avançait plus. Quand il n'y a plus de conneries, ça n'avançait plus. Ça dialoguait, ça placotait, ça parlait, mais ça n'avançait plus. Alors, il faut faire attention avant de juger les apparentes stupidités. Et accepter le neuf, ça veut dire se retourner par en avant puis s'en aller. Le reste, on l'oublie. Ça fait partie des paradoxes de la conscientisation. et des lois de l'ère nouvelle. On parlait tout à l'heure, à un moment donné, de certaines choses. Tu travailles avec certaines personnes, puis, disons, avec des employés. Et puis là, on va dire, avec ces personnes-là, ben, qui sont parfaites, sont intelligentes, t'es correct. Et puis, à un moment donné, on dit, ben là, j'impose ce que je dois faire, et puis ça passe ou ça casse. Quand on devient totalement détaché des employés et qu'on applique sans problème ce que l'on veut faire, presque sinon 100% des employés passent. Si on n'est pas détaché des employés, la majorité vont casser. Ça serait en couple, même chose. Avec des enfants, même chose. Avec n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que vous n'avez pas réellement fait le choix de l'être nouveau, tant que vous n'appliquez pas 24 heures sur 24 de vos respirations à la conscientisation, hein, c'est pas que vous êtes assis dans votre automobile, puis là, pour regarder le monde conscientisé, puis c'est pas ça. C'est justement vous relaxer, ça, la conscientisation. Quand il y a une affaire, une connerie apparemment qui arrive, la connerie, elle est mécanique, elle passe par là. Vous n'avez rien à crier. Elle ne manipule pas votre vie intérieure. Là, vous exprimez la conscientisation. Là, vous êtes 24 heures sur 24 en conscientisation, puis c'est pas long que toutes les conneries vont disparaître. Mais tant qu'il y a des conneries autour de nous, c'est qu'il y a des conneries à l'intérieur de nous. C'est pas philosophique, c'est très mécanique. C'est trop long là, pour vous expliquer toutes ces choses-là. Je l'ai déjà fait, on va le refaire encore. Mais c'est exactement ce qui arrive. Vous n'aimez pas une chose, chez vous, il y a la similitude que vous détestez aussi. Pourquoi pensez-vous que l'humain ne s'aime pas? Il est bien, bien occupé à essayer d'aimer les autres. Se fuir. Puis je n'ai pas encore rencontré une personne qui s'aimait. Je l'ai rencontré un paquet qui aimait l'image qu'elle projetait. Puis quand on leur demande, pense à toi. Puis qu'on vérifie par certaines mécaniques, c'est toujours très, très, très, très faible. Les gens ne s'aiment pas. Parce qu'on a plein de bebelles. Puis c'est pas qu'on est mal fait. Puis ces choses-là, on va les éliminer. Comment on les élimine? En cessant de s'identifier à elles, donc en cessant de s'occuper. Un jour, je travaillais avec des personnes, des jeunes, pour essayer de dissoudre des nuages dans le ciel. C'est extrêmement facile. Un nuage par-ci, un nuage par-là, puis ça allait bien. Puis il y en a un qui travaillait, puis son nuage, il disparaissait pas, il grossissait, puis il travaillait, puis il grossissait. Puis là, à un moment donné, il a fallu qu'on lui explique, écoute, tu y tiens tellement ton maudit nuage que c'est évident qu'il s'en va pas. Il faut que tu te détaches de ton nuage. Il faut que tu vois un ciel bleu. Faut pas que tu vois un nuage qui s'en va. Il reste là, lui. Pour que tu puisses continuer à voir un nuage qui s'en va. Dans la majorité des problèmes, c'est ce qui va arriver. Puis quand on voit des choses laides chez les individus, si, par exemple, je vous regarde, je peux facilement dire, on prend Charles ici, je pourrais vous en dire plein de choses laides chez lui. La cassette serait pas assez longue. Si je vous dis des bonnes choses, je vais en dire bien plus. Vous êtes bien plus de cassette. Absolument. Sauf que Charles ou moi, on parlait de Charles, on peut penser que c'est un gars qui est bien correct. Il est bien correct. Est-ce qu'il est parfait? Plusieurs ont pensé tout de suite non. Pourquoi qui ont pensé non? Par principe, on pense non. Ça, c'est un piège. Parce que la médiocratie, du refus de la perfection, il peut être parfait. Peut-être tout à l'heure, il n'était pas, peut-être tout à l'heure, il ne le sera pas. Mais souvent, on dit, bon, ce que Charles peut être un gars parfait, puis immédiatement, les égos, c'est tout de suite, ben non. Il y en a, ça va être non, parce qu'on a appris à être poli, Dieu. Non. Il y en a d'autres, c'est non, parce qu'on ne veut pas, pas question. Bon. Et plein de noms comme ça. Mais est-ce que la journée, je vais vous poser la question à vous, es-tu parfait, toi? C'est la même réponse. Non. Tu n'as même pas regardé. Non. Même chose quand on pose la question à quelqu'un. Parce que c'est des problématiques. Et progressivement, ben, les conneries qui sont chez lui, ben, à un moment donné, ça va décoller. Il faut qu'on soit conscient. La première chose, c'est d'essayer de se médiocriser. Est-ce que Charles est parfait? Il est totalement parfait. On ne peut pas faire plus parfait que lui dans son cas. Demandez-lui pas ce qu'il ne peut pas. Alors, vous aussi, vous êtes parfait. On ne peut pas faire mieux que ce que vous pouvez faire ou ce que vous êtes dans votre cas. Et est-ce que ça veut dire que Charles ne peut pas être amélioré? C'est autre chose. Totalement autre chose. La feuille de papier ici, est-ce qu'elle est parfaite? Ok. Quelqu'un va dire, ben non, on peut voir des petites particules dedans, puis est-ce qu'elle permet d'écrire? Ah ben oui. Donc, elle joue parfaitement son rôle. Exact. Donc, en tant que feuille de papier, elle est parfaite. Ben oui. Projetez pas un paquet d'affaires dedans. Là. Bon. Le verre ici, il est parfait. Ah non, il y a une bosse là. Alors, si c'est un œuvre d'art que tu veux, il n'est pas parfait. Si c'est un contenant pour mettre de l'eau, il est parfait. L'eau ne passe pas à travers. Parfait. L'humain est parfait. L'humain est parfait. Sauf que l'humain doit être amélioré. L'humain ne doit pas être parfait. Il doit être amélioré. Quand je dis qu'il ne doit pas être parfait, on ne doit pas penser qu'il faut le parfaire. Alors, les conneries qui sont chez lui ne font pas partie de ce qu'il est. Est-ce que vous êtes heureux et heureuse d'être colérique? D'être jalouse ou jalousable. Êtes-vous parfaitement heureux d'être des êtres capables de s'ennuyer? Non. Hein, c'est non. Bon. Est-ce que vous voulez vous ennuyer? Non. Quand vous ennuyez, est-ce que vous êtes d'accord? Non. Mais on vous ennuie. Vous ne vous ennuyez pas. Alors, si on élimine ce qui ne vous appartient pas, il va rester vous. Ce sera parfait. Il faut comprendre l'idée. Quand on prend une grosse boule de glace et on en fait une statue, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute de la glace sans arrêt ou si on ôte des morceaux? On ôte des morceaux jusqu'à temps que l'œuvre d'art apparaisse. L'humain, c'est la même chose. On est plein d'expériences, de 30 quelques millions de personnalités réincarnationnelles, de tout ce qu'on nous a amené au complet, de toute notre éducation pour nous parfaire apparemment, hein, le maquillage psychologique aller jusqu'au maquillage vestimentaire, et tout ça au complet, c'est des choses. Si on veut se connaître, on élimine. On élimine. Allez pas chercher des qualités, vous les avez toutes, les qualités. Je l'ai déjà expliqué aussi. Si vous voulez avoir une nouvelle qualité, toi, ça serait par exemple d'être bon. Je ne parle pas élite sportivement, d'être un être humain qui est un bon homme. Mais s'il veut être bon, c'est parce qu'il sait c'est quoi être bon, c'est parce qu'il est déjà bon. En réalité, ce qu'il veut, il aimerait éliminer les barrières qui l'empêchent de l'exprimer. Bon, alors lui, il est parfait. Et vous êtes parfait, vous êtes parfait. Les structures qui empêchent l'humain d'être ce qu'il est, ça ne nous appartient pas. On n'est pas nés avec. C'est pas nous autres, là. Moi, je me sens jamais coupable de faire des conneries, parce que c'est pas moi qui fais des conneries. Je ne veux pas les faire, les conneries. Alors, mon corps physique les a fait, parce qu'on est deux à l'habiter. Il y a le virus que j'appelle l'ego, puis il y a la conscience. L'homme, la femme, la conscience. Ce qui sait ce qu'il doit faire. Puis il y a ce qui nous charrie, on est manipulé. Une chose. Quand on en est conscient, on le comprend. Ça va bien. Quand vous voyez des conneries chez autrui, c'est parce qu'il y a un miroir quelque part. On ne vous voyait pas autrement. Et on ne se déteste pas, puis on n'a pas à détester les autres. Quand quelqu'un fait une stupidité, c'est un être manipulé. Faites-lui voir clair qu'il a fait une stupidité. Parce que demandez-lui, as-tu fait une stupidité? Il va dire oui. C'est une bonne personne. Si elle l'aurait su, elle ne l'aurait pas fait. Bon, nous, on a la chance de savoir des choses, l'autre n'a pas la chance de savoir, quand je parle de chance en guillemets. Est-ce qu'il faut qu'on le juge, puis qu'on le condamne, puis qu'on y envoie de l'énergie négative au détriment de la nôtre, on perd la nôtre, on y en envoie là-bas, puis non, c'est pas... Il n'y a rien de con. Par contre, dans son monde, il y a besoin de certaines choses, puis tant que nous, on n'exprimera pas l'intelligence à la planète, bien nécessairement, on va vivre avec les autres lois. On est en train de reformer le code. Hein? C'est en train de reformer la législation totale de la conscientisation ou de la vie de l'humain, sa planète. Et ce qui va se faire dans les 20 prochaines années, 23 prochaines années, on va changer totalement les lois de l'évolution et de la conscientisation. Mais c'est évident qu'on a beau changer les lois, il ne faut pas qu'on fasse comme les gouvernements planétaires, où on change le code civil et le code criminel, puis on n'applique pas les lois. Ça ne sert à rien de changer les lois si on ne les applique pas. Mais on ne les applique pas à autrui, on les applique à soi. Le juge qui décide que maintenant, ben, on a le droit de faire ceci, et puis lui ne fait pas. Ou on n'a pas, maintenant ça devient interdit, par exemple, de battre sa femme, et lui continue à battre sa femme. Quand il va avoir un homme qui va battre sa femme, là, est-ce qu'il va le condamner? Ben non. Il n'appliquera pas la loi, parce qu'il ne l'applique pas pour lui. Alors, il ne faut pas qu'il se dise, ben, quand ils vont l'appliquer ailleurs, non, ça ne marche pas. Alors là, on est en train de changer les lois de l'évolution. La souffrance, le mérite et toutes ces choses-là, c'est plus, ça ne fait pas partie de notre karma. Ça ne fait pas partie de notre lot. Il faut que ça change. Il faut que ça change chez nous. Je ne peux pas trouver les individus laids. laide, idiot, idiote, etc. Non, je comprends la mécanique. Oui, mais c'est con que, c'est pas con que, faisons-le. Dernièrement, il y a une personne d'une école qui me disait, « Ouais, mais le système, là... » Et je dis, « Écoute, le système, là, c'est nous autres, les gars, le système. Fait que si on change, le système n'aura pas le choix de changer. Ça rendra même pas compte. C'est la même chose pour l'évolution, pour l'autre chose. Si on applique l'intelligence à la planète, ça va changer. Ouais, mais moi, il y a dans mon entourage, le monde, il me trouve bizarre quand je commence à être intelligent. Moi aussi, ils m'ont trouvé bizarre. Je travaillais sur un véhicule ambulancier. J'étais bizarre, moi, je lisais des livres de médecine. J'étais bizarre en maudit. Tu sais, mais y'a donc, t'es ambulancier, tu devrais rien connaître. Et à l'époque, c'était des transporteurs de viande. C'était pas des transporteurs médicaux. Et puis là, je lisais des cossins. Je voulais connaître. Et puis, j'étais très, très, tu sais, ah, Dr. Kem qui arrive. Ça, c'était une insulte, tu sais, parce que quand t'es en bas de hiérarchie, c'est toujours une insulte si on te nomme comme en haut. C'est évident. Et puis, moi, ça me dérangeait pas. J'étais pas docteur. Puis, on balance. Et puis, à un moment donné, progressivement, ben, le petit cave qui se prenait pour un autre, apparemment, parce que c'est ce qu'on dit, parce qu'ils veulent pas apprendre, eux autres, fait que tu te prends pour un autre. Je leur demandais pas de lire, moi, là. Je m'en balançais deux affaires, je lisais. Puis, quand on arrivait sur des gros cas, là, quand j'arrivais, on voyait un paquet d'égouts. Ah! Oh, fiu! Laisse-le passer. Puis, je pense que lui, il connaît ça, lui. Il dit, tu comptes le monde? Ça n'a pas été long, progressivement, ils ont commencé à lire. Puis finalement, ben là, aujourd'hui, il y a le gouvernement aussi qui a fini par imposer qu'il fallait que les gens sachent de quoi. Puis maintenant, c'est philosophique. Les ambulanciers veulent lire, veulent s'apprendre. Ils revendiquent des nouveaux cours. C'est bien différent. Ben oui, c'est ça. J'étais à l'index, etc. Très important. Quand vous avez raison, là, changez pas comme les autres. Forcez-les à changer comme vous autres. Puis comment on force quelqu'un à changer? Parlez-leur pas. Laissez-la faire. Restez vous autres, vous allez voir qu'apparaît l'imprégnation. Le monde est pas con. Les égaux résistaient aux neufs. Et tout le monde était jaloux. Puis c'est pas grave, jaloux, pas jaloux, faut comprendre les mécaniques. Pendant presque un an, on m'a niaisé, on m'a nargué. Puis après un an et demi, les gens commençaient à s'instruire. Puis là, on me posait des questions. Puis là, on m'appelait plus Dr. Kemp, on m'appelait Daniel. Et puis là, on posait des questions, puis on jasait. Pour ça, les médecins sont arrivés, ces automobiles. C'était, toute la philosophie a changé. Même chose. C'est très facile. Très facile. Soyez vous-même. Allez voir. Que mangez-vous et quand mangez-vous dans une journée? 50 $. C'est au moins une question. Mais non. Que mangez-vous et quand mangez-vous? Ça me regarde, hein? Odile, c'est drôle. Bon. Je mange un grain de sésame coupé en 8. Bouilli dans l'huile de foie de morue. Une goutte d'huile de foie de morue. Dans un four micro-ondes. Avec un plateau rotatif. Et je mange ça avec mon petit doigt. À 3h du matin. 3h02 exactement. Je réveille. Sonne à 3h01. Faut me laisser le temps de. Fais ça vite. De la haute cuisine. La haute gastronomie. La fine cuisine. Puis maintenant, quand j'ai faim, après ça, je vais écouter avec un thé, je vais faire confier après. Je mange ce que mon corps a besoin. Et à l'heure où il a faim. Alors, de temps en temps, c'est des salades, n'est-ce pas? À un moment donné, c'est un hot dog. Il n'y a rien de pire qu'une philosophie alimentaire ou une philosophie de n'importe quoi, parce qu'une philosophie alimentaire, c'est l'astral qui décide ce que le corps devra vivre. Bon, c'est sûr que ma saucisse est végétarienne. Dans du pain de blé entier. C'est évident, c'est évident. La moutarde sans colorant. Bon. Puis dans un four naturel, avec du feu naturel, vous savez. Bon, dans un air stérile. Puis je bois un verre d'eau distillé. Dans un verre stérilisé, avant. Parce que ça sauve pas même à peine de distiller l'eau d'un verre plein de microbes. Bon. Mais, la philosophie alimentaire, c'est pas bon parce que ça frustre l'humain. C'est une imitation de l'humain. Ce que l'humain doit développer, c'est sa gustation. À un moment donné, moi, j'ouvre mon frigidaire, je regarde ce qu'il y a là-dedans, puis là, je vois des raisins. Puis là, je prends les raisins, puis là, j'ai plus le goût de prendre les raisins. Là, je laisse les raisins là. J'ai raisin de faire ça, c'est ça officiel. Après ça, ben là, je prends les pommes. Puis là, je prends une pomme des mains, puis là, je me dis, non, je mets la pomme là. J'ai vu qu'il y avait un verre dedans, tu sais, je la laisse pour quelqu'un d'autre. Là. Puis là, à un moment donné, je trouve que j'ai besoin. Puis quand il n'y a rien dans la maison, ben, je sors, je vais nourrir mon corps, puis je fouine, puis à un moment donné, je sais ce qu'il me faut. Je le mange. Puis je mange la quantité qu'il me faut. Fait que j'ai jamais de problème, moi, là. Ah, j'ai trop mangé. Jamais. C'est simple. Puis quand mon corps refait. Mais c'est évident que je mange pas beaucoup, pas souvent. Pas de sucre. Écoute-toi, là. Là. Fastiquant, ça. Ah, ben, je le fais des fois. Oui. Moi, je mets juste 6 sucres dans mon café. Non. Ouais, c'est ça, mais c'est pas ces 6 sucres dans ton café, moi, qui me dérange. C'est l'huile de café qu'il prend le matin. En fait, non, mais sucre... tu regardes ce que tu manges. Et tu le goûtes, surtout. Ouais, mais il faut apprendre avec les mains à savoir. Comme ce tour-là, c'est absolument diabolique. Bon, je le prends quand même, parce que c'est pire si je bois pas de temps en temps. Fait qu'on l'apprend quand même. Les philosophies, c'est là qu'est le danger. Moi, je m'en vais n'importe où, j'arrive chez vous, là, puis tout ce que vous avez à m'offrir, là, c'est des hot dogs avec des vrais saucisses. Là. Hey, je mange des hot dogs avec des vrais saucisses. Je m'en fais pas du tout. Tu sais, je suis bien plus important qu'une saucisse. Puis mon corps physique, il n'a vu bien d'autres dans le passé, lui. Dans ses autres vies, etc. C'est évident qu'on comprend l'idée. Bon, j'ai été dangereux à un moment donné. Puis là, on vient me servir, puis on me dit, qu'est-ce que vous voulez boire, monsieur? Fait que moi, je bois de l'eau. Ah, l'eau ici est contaminée. Ben, je bois de l'icard, d'abord. Il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous avez? On a juste de la bière. Demandez-moi pas si je veux boire. Puis donnez-moi de la bière, torieux. J'ai passé 5 jours à boire que de la bière. Puis j'ai pas eu chaud. on la transmute. Sauf que, oui, mais M. Kem, je m'aurais vu dans le jungle là-bas, là, avec ma grosse barbe, mon chapeau tout croche, ma bouteille de bière à la main. Ben, j'étais le même gars. Bienvenue dans la jungle. C'est tout. Faites attention aux philosophies alimentaires. Par intelligence, puis ça, c'est ce qui est souvent un gros problème, c'est qu'à un moment donné, vous comprenez que vous devez changer votre gestion de l'aliment. Mais parce que vous n'êtes pas capable de supporter votre savoir instantané, mais là, vous devez chercher une philosophie qui va être capable de supporter votre savoir. Là, vous allez commencer à dire, tiens, peut-être faudrait que je sois végétarien. Tiens, végétarien. Tu n'as pas besoin d'être végétarien. Tu peux manger de l'herbe, tu peux manger des salades, tu peux manger de la luzerne, des pousses, n'importe quoi. Parce que c'est ça que tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'être végétarien. Les philosophies, c'est pour nous aider à supporter ce que nous sommes. Ben, c'est simple. Ben, vous pensez qu'on devrait partager les biens entre tout le monde. Ah, maudit communiste! Non, j'ai pas pensé qu'il fallait être communiste. J'ai pensé qu'il fallait participer. C'est bien différent. Alors, c'est la même chose pour l'alimentation. Puis je mastique comme tout le monde. J'ouvre la bouche, mais ça parle par la bouche. Il y a cet ego qui veut évoluer par expérimentation et qui nuit. Est-ce que c'est de ma génétique que vient cette nuisance d'évolution? Non. C'est parce que vous êtes... sur la planète Terre, dans un corps humain, puis vous n'avez pas le choix. Si vous détruisez le corps physique, si vous vous suicidez, vous allez revenir dans un corps physique d'humain, avec d'autres parents, vous allez avoir encore besoin de vous faire changer vos couches, et ils vont vous nourrir avec ce que vous n'avez pas aimé. Ça vaut pas la peine de suicider. Bien compliqué. Maintenant qu'on a fait tout le... T'sais, c'est bien mieux maintenant de continuer. C'est simplement ça. C'est l'attribut même du vecteur humain. C'est un mélange de plein de choses. La planète Terre, c'est une planète expérientielle. Donc, les personnages placés dessus, parce que c'est un monde refroidi, vont acquérir, à un moment donné, la puissance atomique de supporter du savoir instantané que par l'expérience dans les premiers âges. Ça veut dire une affaire comme près de 5 milliards d'années. Alors, on en a quand même 4,6 de fait. Bon, c'est pas pire, on approche de la fin. Et puis, il reste quelques petits millions d'années comme ça, mais ça va changer exponentiellement, là, on va être correct, là. Dans pas grand temps en plus. En plus, la planète Terre est une planète prison pour des mécaniques extraterrestres qui sont connues sous le nom d'intraterrestres dans le contexte, disons, initié planétaire. Les gens parlent encore d'extraterrestres quand ils voient des soucoupes ou des choses comme ça, mais c'est des intraterrestres. Et puis, eux sont en prison ici. Alors, il y a une structure planétaire dans l'astral qui les instruit. Puis nous, étant donné qu'on est des êtres refroidis, on a la capacité, dans notre refroidissement, d'être en contact avec leur instruction. Et c'est leur instruction qui a engendré les religions dans notre conscience. Puis qui a engendré le médiocrisme de l'ego et ces choses-là. Mais ça ne nous appartient pas. L'ego est le gardien des intraterrestres, puis nécessairement, parce qu'on est mêlé à ça, on a un ego aussi, puis l'ego devient le maître charpentier de la structure qui va nous permettre d'avoir de l'intelligence. Et la planète Terre sert aussi à autre chose. Elle sert à l'expérimentation de facteurs génétiques pour, à un moment donné, coloniser d'autres planètes. Ça, c'est des mécaniques éoliques qui s'occupent de ça. Et puis, d'autres petites choses comme ça, ce qui fait que on n'est pas tout seul sur la planète, et puis... C'est intéressant. Les dauphins. Les dauphins ont déjà été un potentiel très, très, très instruit qui a aidé l'humain, à un moment donné, à sortir de l'océan. Et on a, par la suite, planté le requin dans l'océan pour empêcher l'animal humain de revenir vers l'océan, parce qu'il les bouffait. Le requin était un tueur direct. Et le dauphin, il y a eu des mutations, c'était pas le dauphin qu'on connaît aujourd'hui, puis il y a eu les polars, entre autres, qui étaient un très, très grand allié de ce que l'humain était. L'humain aurait été... si l'humain ne serait pas sorti, l'humain serait un épolar ou un dauphin ou un animal dans ce genre-là, qui a un cerveau extrêmement évolué, qui est un mammifère, et qui a la capacité de vengeance, la capacité d'aimer... C'est pas fini. Je dis des fois, ben. Et puis, on est sur la Terre. Il doit être dans l'autre salle. Existe-t-il d'autres... La prochaine fois, on va aller faire ma conférence sur le pont. Je parlais bien plus de la fin. On va l'écouter, au moins. Existe-t-il d'autres individus que vous et l'autre conférencier qui possèdent une conscience supplémentaire? Oui, oui, oui, oui. C'est vrai. Qu'entendez-vous? Là, c'est pas marqué, montrez-le-nous, mais qu'entendez-vous par bouger le corps quand vous parlez du stress que ce dernier subit? Il y a un bonhomme un jour qui dit à quelqu'un, il a dit, lève-toi et marche. Avec l'autre, il dit, quoi? Lève-toi et marche. Si tu veux guérir, si tu peux être handicapé des deux jambes, lève-toi puis marche. Dans mon langage à moi, c'est prends ton corps puis bouge. Vous avez n'importe quelle problématique, prenez votre corps et bougez-le. Alors, au niveau des stress, c'est évident que l'humain devra apprendre progressivement à gérer son stress, ces choses-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je suis tout énervé, là. Mais relax! Ah oui, mais comment je fais, là, je suis tout énervé? Prends ton corps et bouge. Assois-le. Prends ton corps et assois-le. Accote-le. Prends tes poumons, tes attaches thoraciques, puis respire. Applique les techniques. Vous ne les connaissez pas? Ça s'enseigne. Dans le PMC, ailleurs, il y en a en masse sur la planète. C'est pour ça qu'il manque. Prends ton corps et bouge. Tu es en train de travailler à l'ordinateur ou faire de la mécanique, là, tu as faim. Ton corps physique a faim. Là, tu n'as pas le temps d'aller manger. Là. Prends ton corps et bouge. Lève-le, puis va manger. Et là, tu manges tout vite. Tu contrôles. Mange lentement. T'es en colère, arrête. T'es en train de taper quelqu'un, t'as pu. Prends ton corps et contrôle-le. Ça veut dire prendre ton corps et de bouger. Et le mot, répétez-vous-le, parce qu'il contient tellement d'énergie qu'à un moment donné, quand ça va commencer à traverser, là, prendre ton corps et bouger, vous allez être capable de faire des choses que normalement vous n'auriez pas pu faire. C'est ce que ça veut dire, prendre ton corps et bouger. C'est une prochaine, qu'est-ce que c'est? La semaine prochaine, le 12, vers le savoir qui rend libre. Sortir de prison? Non, bien plus que sortir de prison. Oh, là-dessus, on se prend pas au sérieux, on s'amuse, puis on fait beau. Bonne fin de semaine.